cours numéro 37. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, thumma min tariqati ahli sunnati wal jama'ah, ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan, wa ittiba'u sabili s-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar, واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فشيخ الإسلام رحمه الله après avoir détaillé des points, des fondements importants concernant la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Aqidatul Salaf al-Salih, radiyallahu ta'ala anhum, après avoir détaillé ses fondements sur la croyance, à la fin de هذه الرسالة الطيبة, il a cité la voix de Ahlus Sunnah bil-jumla, ou fil-jumla. Après avoir cité des détails, on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ses attributs, ses anges. Il a akhiré. Fafi akhiré le kitab, il a cité madhab ahli sunnati wal jama'a mujmalan. Aïe, on doit suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit suivre la voie de ses compagnons radiyallahu anhum. فلهذا قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أي tout ce qui concerne la croyance et tout ce qui concerne كذلك العبادات والمعاملات. C'est pour ça que le dernier chapitre après celui-là, l'imam Taymiyyah رحمه الله il a cité ما يتعلق بالأخلاق. أي tout ce qui concerne le bon comportement. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أي les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال كذلك on doit mettre en application هذا الحديث العظيم أي cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي فالنبي صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de suivre sa sunna. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Et la sunna des quatre califes. Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Et il n'y a aucun doute en sunnatu ha'ula al-afadil, al-akhyar, al-khulafa, radiyallahu anhum. C'est la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Ne pas comprendre qu'il y a deux sunna. Aïe, une sunna. Une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre sunna des quatre califes. Là, toute la communauté a été ordonnée de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Comme a dit Allah azza wa jal, « Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u al-rasool » Wa dit azza wa jal, « Wa ma ataakum al-rasool fakhuduh » Wa dit azza wa jal, « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum » Donc, sunnatu al-khulafa al-rashidin, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. On doit suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wasalam, et on doit suivre la voie de ha'oula, radiyallahu anhum. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire passer la compréhension de d'autres personnes avant celle des compagnons. Les quatre califes, radiyallahu anhum, bien sûr, c'est afdal al-sahaba et a'lam al-sahaba, c'était les meilleurs des compagnons et ceux qui avaient le plus de science et كذلك المهاجرون والانصار قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. Deux choses, on doit s'accrocher à cette sunna. Wa sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïe, ses paroles, ses actions et tout ce qu'il a accepté alayhi salatu wa sallam. On doit s'accrocher à cette sunna Et on doit faire attention à muhdathat al-umur. Al-muhdath, c'est quelque chose d'inventé. Et une chose qui n'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que les sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas accompli. Hada, on doit faire attention. Qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum. En arabe, quand tu dis iyyaka à quelqu'un, c'est une mise en garde. Et fais attention. Pourquoi les anna al-muhdathat, ça fait beaucoup de mal aux mu'min, aux musulmans. Qala wa muhdathat al-umur, et les innovations, les choses inventées, fa inna kulla bid'atin dhalal. C'est de l'égarement. Et l'égarement, comme جاء في روايه اخرى, قال عليه الصلاه والسلام وكل ضلاله في النار. L'égarement, ça fait beaucoup de mal. L'égarement, c'est ce qui pousse l'être humain à rentrer en enfer, ou ce qui peut risquer l'être humain de tomber en enfer, d'être châtié, yadam billah. On fait attention comme wassana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ta'ammal akhi al-karim, anna mitla hada al-hadith, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit bien sûr quand il était vivant et à son époque, il n'y avait pas de bid'ah. Il n'y avait pas d'innovation à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Les innovations, c'est apparu après, avec les groupes égarés, comme le Khawarij, le Rawafid, le Jahmiya, etc. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les mettait en garde. Pourquoi? C'est un amr khatir, c'est très très dangereux. C'est très très grave. Ça annule l'acceptation de l'œuvre. Celui qui innove, qui invente une chose, fidinillahi azza wa jal, son œuvre n'est pas acceptée. Et il risque le châtiment. Kullu bid'atin dhalal. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répétait souvent هذا الكلام العظيم في خطبه في خطبة الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم souvent il disait مثل هذا الكلام. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très très important et on répète. النبي صلى الله عليه وسلم il répétait ce conseil مع أن il n'y avait pas de bid'a à son époque. أما de nos jours والبدعة انتشرت والفرق ظهرت beaucoup de bid'a propagés, des groupes égarés qui se sont propagés كذلك, on doit mettre en garde contre البدعة, contre l'innovation, et on doit mettre كذلك en garde contre ceux qui propagent البدعة. Et السني qui a compris هذه العقيدة العظيمة et qui fait des efforts pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui comprend l'importance de ce suivi, en aucun cas il sera gêné si un savant de la sunna il met en garde contre une bid'a. Avec des preuves, enfin, pourquoi être gêné? Belle, c'est pour le bien de la umma. Lakin, on vit à une époque, anna ba'd an-nas il refuse hada. Belle, on vit à une époque, anna hatta les mises en garde contre le kufr, al-sarih, al-wadih, la mécréance claire, certains ils n'acceptent plus. C'est pour ça que en tant que le sunnah, on doit apprendre notre din et mettre en application notre din, même si ça dérange certains, même si certains ils sont pas satisfaits. Notre but c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Notre but c'est de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui veut satisfaire les gens, il aura du mal à appliquer had al-hadith. Alaykum bi sunnati. Les gens ils vont l'appeler à appliquer les coutumes. Ou ce que les gens y font, ou ce que un tel minannas a dit, ce que Sheikh Foulan pense. كذلك قوله والسنه الخلفاء الراشدين. بعض الناس ils t'appelleront à suivre le Coran والسنه لكن avec leur compréhension à eux qui est basée sur les passions. كذلك قوله واياكم ومحدثات الامور. بعض الناس ils te diront là c'est trop. Pourquoi tu mets en garde? On est tous des musulmans, il faut respecter l'autre, il faut être tolérant, il faut être فاحذر من هذه الافكار. هذا الحديث c'est un fondement. C'est pour ça que l'imam an-Nawawi رحمه الله il a cité al-arba'in, les 40 hadiths qu'il a rassemblé rahmatullah alayh. ثم قال الامام تيميه رحمه الله ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. Et ça, c'est le fruit de هذا المعتقد الطيب. Si tu as cette aqida, أن الحق, la vérité, c'est ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم, et tu fais passer la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم avant tout, et ton objectif c'est de suivre la vérité, et tu appliqueras هذا. Pourquoi? لأن tu sauras que أصدق الكلام c'est كلام الله. La parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. Et Allah, azza wa jal, c'est le haqq. Et kalamuhu, c'est le haqq. Donc, la parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa khayr al-hadi, hadi Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Et kadhalik, la voix de guider, khayr al-hadi, la meilleure des voix, c'est la voix du prophète, alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? لأنه عليه الصلاة والسلام c'était un nabi, c'était un rasoul, بل c'était أفضلهم وأحسنهم منزلة عند الله عز وجل. Donc sa voix c'est la meilleure des voix. Donc pourquoi délaisser sa voix pour une voix qui est susceptible d'être touchée par un manquement, un égarement, une chose mauvaise? Comme la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est fondée sur la révélation. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la révélation. كما تقدم معنا كثيرا. قال ويؤثرون كلام الله. يؤثرون أي يقدمون. ويؤثرون على أنفسهم. هكذا قال عز وجل عن الأنصار. أي يقدمون على أنفسهم. أي المهاجرين. ولو كان بهم خصاصة. فيؤثرون أي يقدمون. فيقدمون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. السني quand il y a une divergence dans une mas'ala, son but c'est de rechercher la vérité. Et السني il est convaincu أن la vérité c'est dans le Coran et c'est dans la sunna. فلهذا s'il y a une divergence, il fait passer la parole qui est fondée sur le Coran et sur la sunna. قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. Ils font passer la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم avant tous les avis, avant tous les madhahib. لماذا؟ لأن la source de notre din c'est le Coran, كلام الله عز وجل, et la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل السنة والجماعة. نعم. أما dans المتن il n'y a pas le mot سنة هنا. في كتاب الشيخ سعدي on répète ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. هذا c'est صواب. وقوله وسموا أهل السنة الصواب c'est وسموا أهل الجماعة. لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم. فعلى كل حال أنهم ils empruntent, ils suivent cette voie qui est contre التعصب. Le fait de suivre aveuglément, de se fanatiser pour un avis, pour une école, pour un cheikh, en délaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ha'oula kadhalik, ahl sunna c'est akthar an-nas rujou'an s'ils se trompent. Limadha li'anna ça arrive de se tromper, on n'est pas infaillible. L'insan il peut se tromper, faire une erreur, un péché, une bid'a, même du kufr. On n'est pas infaillible, même de tomber dans la mécréance. On nas'alullah as-salama wa al-afiyah lil-jami'. Wa ala kulli hal, as-sunni c'est aqrab an-nas pour faire at-tawba. Limadha? Li'anna son but c'est de rechercher la vérité. Et vu que ce sunni n'est pas à l'abri de l'erreur, de l'égarement, il peut se tromper, il peut oublier, etc. Il peut ne mal comprendre. Si la vérité lui est exposée clairement avec des preuves, qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, as-sunni son but c'est la vérité, donc il reviendra. C'est pour ça que on doit comprendre et mettre en application hadha al-manhaj. Cheikh al-Islam rahimahullah à la fin de l'Wasitiyya, il a résumé manhaj ahl as-sunnah wal jama'ah qui est fondé sur l'ilm wal amal. Cette partie c'est l'ilm. Thomas, le dernier chapitre, c'est l'amal, la mise en application. Et tout ça, c'est fondé sur la croyance authentique. C'est tout ce qu'on a étudié ensemble, wallillahi alhamd, dans ce livre. Donc, on a répété souvent et on répétera jamais assez l'importance d'étudier cette aqidah. Et khasatan mitl hadha al-matn al-mukhtasar. Al-wasitiyya, c'est une risala tayyiba jiddan. Qala والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزينون هذا خطأ dans le livre de Cheikh Saadi وهم يزينون الصواب كما في الحاشية وهم يزنون يزنون ça vient du mot الوزن le fait de peser ويزينون c'est le fait d'embellir ah ça vient du mot زين et là شكلنا هنا المقصود سيزنون قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين tu as ces trois fondements les deux premiers on les a cités le Coran la parole d'Allah عز وجل et la Sunna la voix du prophète صلى الله عليه وسلم le troisième fondement c'est l'ijma l'unanimité Wallahi alhamd, ces trois fondements, on les a étudiés en détail dans Al-Usul, min ilm al-Usul de Cheikh Ibn Uthaymin. Et c'est les trois sources. Ces trois sources pour connaître la vérité. Al-Qur'an, la Sunna, Al-Ijma', c'est le consensus, l'unanimité. C'est une preuve. Al-Sunni, yazinu bi hadhihi al-Usul al-Thalath, jami' ma alayhi al-Nas. Et comment savoir si un tel il est sur la vérité, ou un tel il s'est égaré, ou un tel c'est un innovateur, ou un tel c'est un kafir, ou cette adoration elle est permise, elle est légiférée, amla, ou cette croyance elle est authentique ou non. Comment savoir tout cela? En basant tous ces avis, toutes ces paroles, ou ces personnes, tu vas tazin, tu vas peser si on peut traduire littéralement. Al-aqwal, wal-rijal, wal-mu'taqadat, muhim, toutes ces choses avec le Coran, la sunna et l'ijma'. Et si une personne, ou une parole, ou un acte, ou une croyance, elle contredit un texte du Coran, ou une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'unanimité des compagnons, radiyallahu anhum, l'unanimité des salafs, fa'allam, elle a cette chose, cette parole, elle est mauvaise. Elle n'est pas légiférée, aussi une innovation. Ou cette personne, ce qu'elle fait, ce n'est pas correct, ce n'est pas sur la sunna. C'est une erreur. Ça peut être un égarement, ça dépend la personne, est-ce qu'elle sait, elle ne sait pas, etc. On parle maintenant du fil, de l'action. On n'a pas le droit d'accuser les autres par rapport à nous. Il ne pèse plus les choses avec ses fondements, avec ses sources. Et maintenant, avec lui, maintenant, contre lui. C'est khatir jiddan. Imma t'es avec son groupe, imma t'es contre lui. Imma tu suis tel madhhab, imma t'es un égaré. Voilà. Ça c'est de l'égarement. On doit tous suivre la voie des salafs. As-salafiyya, an-naqiyya. C'est dinul islam al-haq. On doit tous suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit tous comprendre hadha din avec la compréhension des salafs al-salih. Hada, ama tel savant, ou tel livre, ou tel madhhab, min al-madhahib al-muntashira, hada tu peux prendre, tu peux rejeter. Limada, li anna, ce qu'on ne peut pas délaisser, c'est ces trois sources. Pourquoi? Parce que ces trois sources, les deux premières, c'est la révélation et l'unanimité. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, akhbara anna l'umma la tajtami' ala dhalala. Et Allah subhanahu wa ta'ala qala, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ça c'est un dalil ان الاجماع tant bien sûr il est authentique il est prouvé c'est forcément la vérité celui qui délaisse la voie des croyants et des compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis forcément il a ouvert une porte d'égarement forcément si cette parole ou cette croyance ou cet acte c'est au nom du din forcément c'est une bid'a pourquoi لان الله عز وجل Il a parachevé son dîn avant la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc, tout ce qui ne faisait pas partie du din à leur époque, ça ne fait pas partie du din à notre époque. Comme قال الإمام مالك رحمة الله عليه. Donc, la voie elle est claire. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Le prophète sallam, il l'a dit clairement, je vous ai laissé sur une voie claire. Wadiha. Celui qui s'égare, yadam billah, c'est que yadam billah, il mérite. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste et la religion elle est très simple. Lakin, la religion elle est simple et la voie elle est claire si on revient à ces trois fondements, al-Qur'an, was-sunnah wal-ijma'. ولا يفهم من هذا ان الانسان اذا لسى parole des savants ابدا بل celui qui délaisse la parole des savants il pourra pas comprendre les textes comme il se doit واحد va comprendre de telle façon واحد va être attiré par cet extrême un autre par un autre extrême on est obligé de revenir à ahlul ilm لكن بدون تعصب et vous avez remarqué que on précise ahlul ilm les savants pas un savant فلهذا قال on répète شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاث جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين donc ces trois fondements et tu reviens à la compréhension des السلف en bien sûr demandant et étudier et revenir aux savants de ton époque. Bidon ta'assoub. Il y en a les savants, tu trouveras forcément la vérité indahum, lakin un savant parmi les savants, il peut se tromper, il peut oublier, il peut contredire cette vérité, mimbab al-ijtihad, etc. Hada c'est un kalam nafis, fa naqra kalam Cheikh Sa'di rahimahullah, qala, lemma dhakara, أي المؤلف رحمه الله طريقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة أي après avoir cité les fondements la croyance en Allah عز وجل les noms les attributs tout ce qui est lié au jour dernier tout ce qui concerne les Sahaba etc فذكر طريقهم الكل في أخذ دينهم après avoir cité les détails au départ de l'Wasitiyya dans la croyance ce dernier chapitre ou l'avant-dernier chapitre il a cité la voie de Ahl al-Sunnah ijmalan et comment il se comporte avec les textes ay al-Qur'an et la Sunna qala dhakara tariqahum al-kulli fi akhdh dinihim usulihi wa furu'ihi wa annahum salaku fi dhalik as-sirat al-mustaqim wal-ismata an-nafi'a al-kitab wa as-sunnah c'est ça leur voie fi dinillahi azza wa jal il est fondé sur al-Qur'an wa as-sunnah Et تعلمون أن قوله رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لديبي جمت كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعلمون أن الاتباع il est fondé sur العلم tu peux pas suivre une chose que tu ignores tu peux pas suivre correctement la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم si tu l'ignores Même si tu as une bonne intention. فَلِهَذَا بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ Ils ont une très bonne intention. Ils sont sincères, ils sont véridiques. Mais ils font des sacrifices dans beaucoup de choses. À cause de l'ignorance, ils contredisent la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ima en ajoutant, ima en enlevant certaines choses, ima en déformant. وَعْضَهُمْ Ils se basent sur autre que ses sources, les coutumes, sur les rêves, sur un tel il a dit, sur... Al-Kathra sur le grand nombre, etc. Donc, نستفيد من هذا أن هذا الاتباع de هذا السرط المستقيم, suivre le Coran et la Sunna, c'est fondé sur l'ilm. Donc, on doit faire des efforts pour l'ilm. L'ilm, c'est la voie de tout le bien. L'aqida, elle est fondée sur l'ilm. Le suivi du prophète, il est fondé sur l'ilm. Le bon comportement, il est fondé sur l'ilm. Notre religion, elle est fondée sur l'ilm. فلهذا قال الله عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله. Le premier fondement, le premier pilier, la base de notre dîn, Celui qui ne prononce pas cette parole, c'est pas un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala qal fa'alam. Il n'a pas dit « dis fa'qul ». Fa'alam, ay sache. Ay hadil kalima, tu dois avoir du ilm pour la prononcer et ne pas la contredire comme ils font al-ba'd. Al-munafiqun, ils ont prononcé shahada. C'est pour ça que, en apparence, c'est des musulmans. Al-munafiq, il prononce la shahada. Lui, il n'a aucune utilité. L'imam Ali, cette shahada, elle est fondée sur al-ilm et elle est fondée sur des points importants, des conditions, etc. Alors, notre din, il est fondé sur l'ilm. Al-muslim, il donne du temps à hada al-ilm. Khassatan, hadhihi al-usul al-azima, ses fondements. Comme cette aqida, aqida tout salaf, et kadalik, tout ce qui est lié aux adorations. Comment faire salat, qabla dhalik al-tahara, comment faire le siyam, comment faire le hajj, comment sortir le zakat. Kadalik, le comportement, il est fondé sur l'ilm. Il y en a marre d'un nas, ils appellent au bon comportement, et c'est pas des comportements du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est ce qu'il pense, lui, que c'est un bon comportement. Et marre d'un nas, ils mettent en garde contre certains comportements. Pour eux, c'est des mauvais comportements, alors que ça fait partie de la sunna de notre prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ils font ça volontairement, c'est des égarés, c'est des ennemis de l'islam. Et d'autres, ils sont véridiques dans leur démarche, là, qu'ils sont ignorants. Enfin, ils pensent faire le bien, et ils font du mal. قال الشيخ سعدي رحمه الله واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلما واتباعا للكتاب والسنة وهم الصحابة رضي الله عنهم عموما والخلفاء الراشدون خصوصا أي يتبعوا على القرآن وعلى السنة ويتبعوا الكمبانيون du prophète صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا tous les compagnons et plus précisément الخلفاء Al-Arba. Pourquoi ? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités. Donc, on doit comprendre ces textes en revenant à Ha'oula radiyallahu anhum. Pourquoi les Anna, c'est eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu la révélation. C'est eux qui ont demandé l'explication de beaucoup de textes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu agir. Et il a accepté ce qu'ils ont fait. C'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté كذلك leur comportement, leur façon d'agir, leur adoration, leur croyance. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc pourquoi de laisser Ha'oula et suivre des gens qui sont venus après, qui ont moins de ilm, c'est incomparable, qui n'ont pas vécu la révélation, qui ont moins de piété, qui comprenaient moins l'arabe, et etc. Tu les trouveras dans tous les domaines, ils sont inférieurs aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça la voix des salafs. Al-salafi, c'est celui qui suit Al-Qur'an ou Al-Sunnah, avec la compréhension de sahaba et ceux qui sont venus après. Et al-sahaba et ceux qui sont venus après, en arabe, c'est al-salaf al-salih. Alors, à notre époque, ils essayent d'accuser ou de montrer que al-salafiya, c'est une invention, c'est un groupe, c'est un groupe, walakin, il est sur la vérité, walillahi alhamd, il est fondé sur ses bases solides. Fala tartar. C'est une ni'ma azima que beaucoup de gens, ils ont été privés. Ba'd al-nas, ils combattent as-salafiyoun, ahl as-sunnah, ba'd al-nas, ils les accusent, ba'd al-nas, ils les détestent, etc. Et ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Amma anta fahmadillah. Ihmadillah, et essaye de montrer cette ni'ma aux autres, de la meilleure manière, de la meilleure façon. Bref. Avec douceur, avec ilm, avec courage, avec thabat, et patiente. Patiente, li anna, celui qui suit cette voie, Al-Qur'an, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la voie des compagnons, il sera éprouvé. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin de la vérité. Fasbir, patiente. Qala. فسلكوا إلى الله ذلك الطريق مستصحبين هذه الأصول الجليلة وما جاءهم مما قاله الناس أو ذهبوا إليه من المقالات وزنوه بمعيار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع الأقوال المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc ils ont هذا المنهج cette voie. Ils ont des sources, le Coran, la Sunna. Ils ont la compréhension du Salaf. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils basent leur croyance, leur comportement sur ces textes. Et s'il y a une divergence, Ou si quelqu'un prétend une autre chose, au nom du dîn, au nom de la croyance, au nom de la sunna, fa, kama qal huna, wazanu, ils vont peser cette chose, cette parole, ou cette rumeur, ou cet avis, par rapport au texte. Si c'est la vérité, ils vont accepter. Si c'est pas la vérité, ils vont rejeter. قال رحمه الله وسلم من بدع الأقوال المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقادات كما سلم من بدع الأعمال. C'est quoi qui a préservé هؤلاء de البدعة؟ أنهم ils ont suivi السنة. Celui qui suit السنة il sera préservé de البدعة. Celui qui délaisse السنة il est exposé à البدعة, à l'innovation. C'est clair. لماذا لأن السنة البدعة؟ C'est par rapport au dîn. C'est par rapport au dîn. La sunna, c'est de suivre les textes et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala bihaq, avec la vérité. Al-bid'a, c'est prétendre suivre la vérité laquelle avec autre que la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Donc, vu que tu as une vérité et tu as une adoration, maintenant cette adoration, est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de telle façon, de telle façon? Celui qui suit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué le sunnah. Celui qui veut adorer Allah Azza wa Jalla, il suit une autre voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a inventé. Et il est tombé dans le bid'ah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un rasoul à chaque communauté. Hatta ça devient la référence. Hatta on suit tous ce rasoul. C'est quoi qui a causé toute la division qu'on vit à notre époque, dans notre communauté? Que ça soit dans la croyance, ça soit dans les adorations, ça soit dans le comportement, ça soit les groupes égarés, ça soit dans le domaine politique, économique, social, ce que tu veux, il y a de la divergence entre les musulmans. C'est quoi? C'est al-bid'ah. On parle niveau de dîn. Tout ce qui est lié au dîn. C'est quoi? C'est al-bid'ah. C'est l'innovation. Wa illa, on a tous le même livre. On a tous la même sunna. On a tous les mêmes compagnons. On les aime tous en tant que croyants. Alors, normalement, on n'a pas à diverger. On peut diverger dans certaines choses, comme Sahaba, ils ont divergé, radiallahu anhu, mais ça ne fait aucun mal. Ce qu'on expliquait, madalan, hier, madalan, demain, il y en a, ils vont, certains musulmans, ils vont jeûner, et inshallah, demain, vendredi, et d'autres, ils vont jeûner samedi. Ça ne fait aucun mal. À l'époque, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ikhtalafu. Ibn Abbas, il a retardé d'un jour. Il a montré que Ahlul Madina, ils allaient retarder d'un jour. Ahlul Sham, ceux qui étaient en Syrie, ils avaient jeûné un jour avant, ou l'inverse. Moi, il y a eu une divergence. Ça leur a fait aucun mal. Depuis cette époque, ils divergent sur ce sujet et d'autres. Maintenant, un musulman, il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de la créature. Il est au-dessus de son trône. Un autre, il dit Allah, il est partout. Ah, là, c'est grave. Min ayn. D'où ça vient qu'Allah, il est partout? Vérifie les textes, tu trouveras. Tu trouveras pas cela. Ben, c'est de la mécréance claire. Un croyant, il dit qu'il faut respecter Aïcha radiallahu anha, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Un autre, ayyadu billah, il dit là, c'est pas une muslima. Et elle a fait, et elle a fait, et il l'accuse. Un rafidhi khabith. Comment on va accepter ça? Il contredit les textes. C'est de la mécréance que d'aller qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a innocenté Aïcha radiallahu anha, comme a fait surat al-Nur. Ouais, il dit là, c'est du kufr, c'est de la mécréance, mais l'ijma'a, l'unanimité des savants. C'est ça notre dîn. Si on agit comme ça, vous allez voir, on va éliminer la divergence avec Rawafid. On dira plus l'islam, ça se divise en deux, les sunnites, les chiites. Là, Rawafid, c'est des kuffars, on n'en parle plus. Thumma, petit à petit, on va kadalik, éliminer les autres bid'ah et les divergences. Maintenant, ceux qui disent qu'Allah, il est partout, etc. C'est très très grave. Bid'at al-hulul, wahdat al-wujud. Thumma, on va arriver au sifat, ceux qui déforment, ceux qui rejettent. Alhamdulillah, on va rester... On va rester qu'avec certains avis où il y a divergence, comme les compagnons, ils ont divergé, radiyallahu anhum, et ça fait aucun mal. Tu choisis ton avis, tu respectes l'avis de ton frère, et si on se conseille avec ilm. Thumma, la compréhension, elle peut diverger, comme sahaba, radiyallahu anhum, ils ont divergé dans certaines choses, ça fait aucun mal. Amma, divergé dans les fondements de notre dîn, c'est quoi la cause? C'est al-bid'ah. Ta'amma al-hal al-khawarij, comment ça a commencé? Ta'amma al-hal al-rafida, comment ça a commencé? Ils ont délaissé Majlis al-Hassan al-Basri rahmatullah alayh au début. Ils ont délaissé. Ils ont inventé la bid'a sur l'iman. Celui qui fait un grand péché, c'est pas un musulman, c'est pas un kafir. On voit, ça a commencé par ça. Des bid'a al-an. Al-Mu'attila, al-Mu'tazila, al-Jahmiya, ils disent que Allah, il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous. Hey, Allah, il n'existe pas. Hakada al-bid'a. Ça pousse l'insan hatta yaqa fi fi halak wa dhalal. Qala rahimahullah. Qala kama salimu min bid'a al-a'mal. Naam, ils ont été préservés des innovations dans la croyance et des innovations kadhalik dans l'a'mal, dans l'adoration. Bi'idni Allah azza wa jalla, ils sont pas infaillibles. Même si un sunni peut faire une bid'a, il peut faire, ça arrive qu'il peut ne pas comprendre une chose et il fait une bid'a, lakin si on lui montre avec les textes, bi'idni Allah azza wa jalla yarji', il reviendra. قال إذا لم يتعبدوا إذ لم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? لأن ils ont cette base solide, هذه الأصول العظيمة, قرآن وسنة, على فهم سلف الأمة. Celui qui a cette voie, فالحمد لله, c'est un sunni, c'est un salafi, c'est un mu'min, un muslim qui est على خير بإذن الله عز وجل. On doit essayer de propager هذه النعمة العظيمة. أما on peut citer quelques أقوال sur قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس, كذلك قوله ويعلمون أن أصدق كلام أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره. Cette mas'ala est muhimma. Anna, si quelqu'un délaisse ces textes ou agit en contradiction de ces textes ou dans une fatwa ou un avis, khasatan dans les sujets à divergence, on doit avoir ce comportement. Notre but, c'est de suivre les textes. Et si la divergence, celui qui diverge ou qui a cité un avis qui est pas basé sur les textes en contredisant d'autres savants, si celui-là c'est un savant, ben on le respecte, ça reste un savant. Lakin, est-ce qu'on doit le suivre? Abadan. Les malades, les anna, on suit pas le savant parce que c'est un savant. Là, on suit le savant parce qu'il nous montre une vérité. Ben, on suit la vérité. Ama, suivre le savant parce que c'est un savant, tu vas le suivre dans tout. Et dans ce cas-là, c'est plus un savant. Tu l'as élevé au niveau du prophète alayhi salatu salam. Celui qu'on doit suivre dans tout, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ça, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il nous dit, on doit l'appliquer. Tout ce qui nous interdit, on doit s'en écarter. Wa li hadha l'imam Malik rahimahullah qala kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Il a montré la tombe du prophète alayhi salatu salam. On peut prendre tout le monde et rejeter, sauf le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hey, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dois tout prendre ce qui t'ordonne et rejeter ce qui t'interdit. Hada, c'est que pour un Nabi alayhi salatu salam. Cheikh l'Islam le Taymiyyah, rahimahullah, il a un kalam jamil, fil fatawa, le volume numéro 26. Qala fi, wa laysa li ahadin an yahtaj bi qawli ahad fi masail al-niza' wa innama al-hujja an-nass wal-ijma'. Hey, les trois fondements qu'il a cités fil wasitiyya. An-nass, c'est al-Qur'an et la sunna, et un texte du Qur'an ou de la sunna. Al-ijma', c'est l'unanimité. Fasma' ila hadha al-kalam ar-rasin al-jamil. Wa laysa li ahadin, ay personne n'a le droit an yahtaj bi qawli ahad, de prendre comme argument la parole de quiconque fi masa'il an-niza', lors des divergences. Innama al-hujja an-nass wa al-ijma'. La preuve, c'est que le Qur'an, la sunna et l'unanimité. Ay, quand il y a un khilaf, t'as pas le droit de dire mais l'imam Ibn Taymiyyah, il a dit, donc c'est la vérité. Tu n'as pas le droit à ça. Il y en a un autre, il va dire, mais l'imam Ahmed, il a dit, rahimahullah, et c'est la vérité. On n'a pas le droit. L'imam Ahmed, rahimahullah, il peut avoir la vérité, et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il peut avoir la vérité. Et l'inverse, l'imam Ibn Taymiyyah, il peut s'être trompé, l'imam Ahmed, il peut s'être trompé. Comment on fait? Comme قال النص والإجماع. On parle quand il y a khilaf, quand il y a unanimité, c'est clair. Tu suis l'unanimité, wallahi alhamd. Quand il y a un khilaf, tu n'as pas le droit. Si tu as ce principe de base, un tel shir, il ne se trompe pas. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Quand il y a une divergence, tu ne cherches même pas à savoir. Vu que Shir al-Albani, il a ce qawl, c'est bon. C'est la vérité. Ça, c'est hal al-muqallid. Al-muqallid, c'est celui qui suit aveuglément. Non, celui qui ne sait pas. Celui qui ne sait pas, et tu n'as pas le choix. Tu as le droit de suivre un savant de la sunna. Lakin, si on te montre, on te montre maintenant, on te dit, là, tu l'as suivi, tu ne savais pas, là, qu'il y a un tabé. Anna, مثلا, Al-Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans tel livre, Anzur, il a montré que telle chose, avec telle preuve, si le shir que tu suivais, il a contredit cet avis, tu as le droit de le délaisser. Belle, tu trouveras n'importe quel shir, min a'immatis sunnah, les vivants, ils te diront, délaisse ma parole. Les morts, tu trouveras dans leur livre, ils ont tous montré, hein. Imma directement, imma c'était leur voix. Ah là, c'est clair. On a déjà lu ensemble, wallahi alhamd, la muqaddima de Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a cité aqwal al-a'imma, al-arba'a fi hadha. Il disait tous, si ma voix, ou plutôt si mon avis, contredit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, délaisse mon avis. Al-Imam Shafi'i, rahimahullah, il a montré clairement, tu prends mon avis et tu le jettes contre le mur. Pour montrer que mon avis, tu ne peux pas le comparer avec l'avis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose et un savant, il a dit une chose. Là, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, intaha al-amr, c'est fini. C'est fini, on n'a même plus besoin de chercher. C'est as-sawa. Le savant qui s'est trompé, alhamdoulilah, il a une récompense et on l'aime fillah et on n'en parle plus. Lakin, hadha al-manhaj, on vit à une époque, annahu, al-haqiqa, il a été bafoué par beaucoup de personnes dans beaucoup d'endroits. Lana, c'est facile à dire, l'an. C'est très simple, hadha. Et alhamdoulilah, Ahl al-Sunnah, ils le disent tous, là, quand il y a une épreuve, quand il y a une fitna, quand il y a un isa', quand il y a un khilaf, quand ahyanan, c'est une divergence par rapport à une question de fiqh niveau argent, niveau mariage et les passions, elles rentrent, ah, tu trouves, ils commencent à vouloir prendre la vie qui les arrange en délaissant les sources. Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa innama al-hujjatu an-nassu wal-ijma' wa dalilun mustanbatun min dhalik. تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء. تأمل أن لا سورس سي كوا سي دي بروف دو قران اي دو لا سنة. قال لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. Rakiz ala hadha al-kalam et essaye de le retenir. Bi-idhnillahi azza wa jalla, il va te servir tout au long de ta vie. Aqwal al-ulama, bien sûr les savants de la sunna, yuhtadju laha bil-adillati al-shar'iyya. Et pour savoir si la parole du shir ou de l'imam, elle est sawab, on doit avoir un argument. Et est-ce que la parole du shir, elle est fondée sur une preuve amla? Wahad, il peut se demander, mais si c'est un savant de la sunna, il aime les preuves. Il ne faut pas confondre aimer les preuves et les citer. Tu peux aimer une preuve, lakin, imma tu l'oublies, imma tu ne l'as pas comprise, imma il y a eu une autre preuve, tu as pensé que cette preuve va passer avant celle-là. Donc il ne faut pas tout mélanger. Les savants de la sunna, ils aiment tous la sunna. Lakin, on parle min hayth al-istidlal, et le fait d'argumenter, c'est autre chose. Donc, la parole du shir, qui qu'il soit, ancien, contemporain, plusieurs ou peu, bien sûr, tant que ce n'est pas l'unanimité, on regarde l'avis, est-ce qu'il est fondé sur un texte amla. لماذا قال فإن أقوال العلماء يحتج بها يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. Les paroles des savants de la sunna, ils doivent suivre les textes. Ce n'est pas les textes qui vont suivre la parole des savants ou les paroles des savants. Si tu as compris هذا الكلام, c'est استفيد. كذلك on peut et هذه Al-Nuqulat, on les a déjà cités dans plusieurs livres. Lakin, on répète, on a, il y en a, c'est important. Kalam al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Ajma' al-ulama. Est-ce que kalam, il est important? L'imada, l'annahu naqal al-ijma', il a rapporté l'unanimité, le consensus. Ajma' al-ulama. Tous les savants, ils sont d'accord. Anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun lahu an yada'ha li qawli ahad. هذا الكلام beaucoup de savants ils l'ont rapporté parmi eux Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in et c'est une référence في هذا I'lam al-Muwaqqi'in de l'Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et كذلك Al-I'tisam de l'Imam al-Shatibi c'est des références في al-ittiba' et comment te comporter par rapport aux preuves et aux suivis Al-Muhim Al-Imam Shafi'i قال اجمع العلماء ان من استبنت له celui qui a connaissance qui a pris connaissance d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yakun lahu an yada'a, il n'a pas le droit de la délaisser, li qawli ahad, pour l'avis de quiconque. Ah, ça nous montre exactement la parole de Cheikhoul Islam qu'on vient de lire dans Al-Wasitiyya. La base, c'est Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Si tu as connaissance du Coran et de la Sunna, forcément tu auras des paroles de savant si tu recherches. Enfin, si tu as un autre avis, tu n'as pas le droit de le suivre. Adalejou, ça c'est bilijma. Ça c'est l'unanimité. Il n'y a pas de divergence. On fait attention aux passions. Kadhalik, al-imam Nouqayyim rahimahullah ta'ala, qala fi tariq al-hijratayn, thumma li ihsan al-dhan bihim. فقد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها. بعض الناس, bien sûr, والله الحمد, et ça doit être notre état, tous, ils aiment les savants et ils reviennent aux savants. لكن بعضهم, ils suivent aveuglément et ils exagèrent. فلهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها. Ils ont pris les paroles des savants et se sont arrêtés. Ils n'ont pas regardé plus loin. Et la divergence, les adillahs, c'est quoi la vie de l'autre groupe, etc. On parle un des divergences entre Ahl Sunnah. Amma al-mubtadi'a, c'est des égarés. Hada, c'est wadih. Qala fasarat hijaban lahum wa ayyu hijab. C'est devenu, cette façon d'agir, pour Aoula, c'est devenu un voile. Ils sont aveuglés. Ba'd al-nas, ils ont un avis. Mathalan, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a sept avis dans cette mas'ala. Tu ne peux plus les bouger de cet avis. C'est comme si on avait dit, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Ah bah c'est grave. On part dans les sujets de divergence. Là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un avis. Ibn Taymiyyah, peut-être qu'il a un autre avis. Et tu étudies la mas'ala. Et c'est ça l'ilm. Et c'est comme ça qu'on étudie le fiqh. Une mas'ala, tu trouves beaucoup de aqwal. Thumma le shaykh, il te donne al-khulasa avec le qawl sahih. Et le qawl sahih, dans le fiqh, qu'on étudie, wallah, il doit être basé sur des textes du Coran et de la Sunna. Pourquoi al-ulama, al-muhaqqiqoun, ils ont reproché à certains suiveurs de al-madhahib qui font du ta'assoub, ils leur ont reproché leur suivi aveugle. Pourquoi? Léna, tu le trouves maintenant dans le madhhab, madhhab l'imam Malik, ou madhhab l'imam Abu Hanifa, ou autre, ou l'imam Ahmed, ou l'imam Shafi'i, il a un avis. Mathalal, madhhab al-Shafi'iyya, c'est telle chose. C'est impossible qu'il regarde autre. Tu peux lui citer un verset du Coran, un dalil, tu peux lui citer des aqwal. Pour lui, là, c'est clair, le madhhab, il a dit. Vous avez remarqué que le madhhab, il a dit, c'est comme si Sahib al-Haqq, il dit, la sunna, elle a dit. Ou dans la sunna, il y a telle parole. Ah là, c'est grave. Le madhhab, c'est pas sunna. Le madhhab, c'est la voix d'un shir, c'est aqwal, il a des élèves, et ils ont écrit des livres, ils ont rassemblé ces paroles, c'est devenu un madhhab. Il n'y a pas de mal. Beaucoup de savants, ils ont suivi des madhahib. Lakin bidon ta'assub. Si la sunna, elle est claire, anna mathalan, dans madhhab al-malikiyya ou al-hanabila, telle chose, c'est une erreur, on délaisse bi kulli raha. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Il y en a cette vérité, elle était avant madhhab l'imam Ahmed, madhhab l'imam Malik. Le plus vieux madhhab, c'est le madhhab de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Est-ce que la vérité, elle était avant Abu Hanifa? On est tous d'accord que na'am. Enfin, pourquoi se mettre dans des situations comme ça qui font beaucoup de mal? قال رحمه الله فصارت حجابا لهم وأي حجاب. C'est devenu un voile. Enfin, on fait attention. La parole des savants, ça doit être pour toi mitl an-nour. C'est une lumière qui va t'éclairer les textes. Donc, tu as deux choses. Tu as le texte, c'est la source, le Coran ou le Sunna, et tu as la parole des savants qui vont t'éclaircir ce texte. Donc cette parole, ahyanan, elle peut t'éclairer convenablement. Ahyanan, ça peut être une erreur d'interprétation, d'ijtihad. Tu cherches une autre parole qui t'éclaire. Amma là, on enlève le texte, on néglige le texte, on recherche plus le texte et on se base que sur la parole de savant. La parole de savant, elle peut être vérité, elle peut être fausse. Même si un savant de la sunna, même si c'est prend le plus grand savant, il aura forcément des erreurs. L'imam Malik, rahimahullah, certaines paroles, c'est des erreurs. L'imam Ahmed, c'est des erreurs. L'imam Nutaymiyyah, même min alim. Min al-ulama. Rahmatullah alayhim, ajma'in. Et hada, ya, c'est pas surprenant. Limad, aliyanna, al-isma, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que l'infaillibilité, c'est dans le Coran et c'est dans le Sunna. Pour que tout le monde revienne au Coran et à la Sunna. Hada, c'est clair. L'unanimité des savants, à la dhalik. Leurs paroles, elles ne sont pas infaillibles. On a lu la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah. فكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله dans l'i'tisam, فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال. C'est ce qu'on vient de citer. Annasi, la parole des savants, c'est plus une wasila pour toi. Al wasila, c'est une chose qui va t'aider à comprendre. C'est ça la parole d'un savant. C'est une parole qui va t'aider. C'est comme un outil tu vas utiliser pour pouvoir comprendre la source. Et le Coran ou la Sunna. فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل الحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال. Celui qui n'agit pas comme cela, pour lui la parole des savants ça devient la source. Tu n'as pas le droit de la contredire, tu dois forcément la suivre. C'est ça l'égarement. C'est ça qui a poussé à la division, c'est ça qui a poussé au suivi aveugle, c'est ça qui a poussé à l'innovation. Et c'est ça qui a poussé à l'exagération, yadam billah. قال رحمه الله أي الإمام أبو إسحاق الشاطبي ولا توفيق إلا بالله وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. الإمام الشاطبي رحمه الله وفق جدا dans l'écriture de ce livre الاعتصام qui est imprimé en 3 volumes et c'est une référence. قال وإن الحجة القاطعة, la preuve claire, c'est quoi? قال والحاكم الأعلى, أي le texte qui va nous servir de hukm, pour pouvoir juger, discerner, est-ce que c'est bon, mauvais, sunna, bid'a, est-ce que c'est acceptable ou non, c'est quoi? Qala, ou al-hakim al-a'la, ou al-shara. C'est al-shara. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ghayru, pas autre. Tout ça en respectant les savants de la sunna. Tout ça en faisant des efforts, bien sûr, pour comprendre hadha al-ilm et avec hadha al-manhaj. Enfin, tu peux accepter telle parole, tu peux rejeter l'autre. L'essentiel, accepte bi'ilm. Rejette bi'ilm. Kadhalik, quand tu rejettes, si c'est un savant de la sunna, enfin, tu dénigres pas le savant. Ebeten, quand on dit rejeter, Obama, un mot plus convenable, délaisser, ou ne pas prendre. Il y en a rejeté, ça peut avoir une connotation négative. Enfin, délaisser, tu as le droit. Est-ce que Wahid, il t'a ordonné? Est-ce que quelqu'un t'a ordonné de suivre toutes les paroles de l'imam al-Albani, rahimahullah? Personne ne dit cela. Est-ce que quelqu'un t'a dit de suivre Cheikhoul Islam, Ibn Taymiyyah dans tout? Abadan. Est-ce que quelqu'un t'a dit de suivre l'imam Ahmed ou l'imam Malik ou autre dans tout? Abadan. Le seul ordre que tu trouveras que tu dois suivre une personne dans tout, on parle par rapport à ton dîn, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ghayr. Pas autre. Wallah musta'an. Et ce sujet, on l'a traité, jiddan. Kathiran wa lillahi alhamd. On avait lu, marra, une risala de Cheikhouna Cheikh Saïd ben Da'as, rahmatullah alayhi, sur Tawhid al-Ittiba', l'obligation de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pas autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on essaiera de... Ça faisait longtemps, c'était à l'époque. Et min al-muhim, c'est de relire ce genre de rasail. Enfin, il a résumé les paroles des savants et, en quelques pages. Et il a traité ce sujet très très profitable. Inch'Allah ta'ala, on essaiera de la refaire ensemble. Lakin, si j'oublie, faites-moi rappeler. Oh, alhamdulillah. Donc, il y a un bab, il reste un chapitre qu'on essaiera de traiter demain, Inch'Allah. Et il est très très résumé. On ne détaillera pas, c'est sur les bons comportements, il a akhiré. Inch'Allah ta'ala, demain on essaiera de finir. Somma, on essaiera à la fin du troisième cours, Inch'Allah, on essaiera de parler du programme pour Ramadan, ou demain, Inch'Allah. On passe à notre deuxième dars, bi'idnillah azza wa jalla.